Mœurs domestiques des Américains de Frances Trollope. Chapitre 1er. Entrée du Mississippi, Balise. Le 4 novembre 1827, je m'embarquai à Londres, accompagné de mon fils et de mes deux filles, et après une traversée favorable, bien que fatigante, j'arrivai le jour de Noël à l'embouchure du Mississippi. Le premier signe qui nous avertit que nous approchions de la terre fut la vue de cette immense rivière mêlant ses eaux bourbeuses aux vagues bleues du golfe du Mexique. Les côtes de ce fleuve sont si parfaitement plates qu'on ne peut apercevoir en pleine mer aucun des objets qui couvrent leur surface. Nous contemplions avec plaisir cet océan boueux qui venait à notre rencontre, car il nous apprenait que nous touchions au port, et cette semaine de traversée nous avait fatigués. Cependant, ce ne fut pas sans un sentiment qui ressemblait au regret que nous quittâmes ces ondes bleues et brillantes, dont l'aspect changeant avait été si longtemps notre principale distraction, pour naviguer sur le sombre courant vers lequel s'élançait notre vaisseau. Nous vîmes des troupes nombreuses de pélicans se reposant sur les îles de boue qui s'élevaient sous la surface des ondes, et un pilote vint pour nous guider au milieu de ces obstacles, longtemps avant qu'aucun autre signe visible nous annonçât la terre. Je n'ai jamais contemplé une scène d'aussi complète désolation que cette entrée du Mississippi. Si le Dante l'avait vu, il eût tiré de nouvelles images de ces horreurs. Un seul objet s'élève sur la surface de ces écueils. C'est le mât d'un vaisseau depuis longtemps submergé, en essayant de traverser la barre, et il reste à la même place, comme pour porter témoignage de la destruction qui eut lieu et prophétiser des malheurs à venir. Peu à peu, des gens d'une énorme grosseur se montrèrent à notre vue, et quelques milles de plus, toujours au milieu de la boue, nous amenèrent en face d'un amas de huttes appelé Balise, village le plus misérable qui servit jamais de refuge à l'homme. On m'apprit que plusieurs familles de pilotes et de pêcheurs y vivaient. Pendant plusieurs milles au-dessus de son embouchure, le Mississippi n'offre pas d'objet plus intéressant que des rivages boueux, des joncs énormes et de monstrueux crocodiles se délectant dans la base. Ce qui ajoute encore à la tristesse de cette scène, c'est la vue constante d'une grande quantité de bois flottant qui se dirige vers les différentes embouchures du Mississippi. Des arbres d'une énorme longueur, conservant quelquefois leurs branches et plus souvent leurs racines entières, victimes des fréquents orages, flottent avec le courant. Parfois ils s'accrochent les uns aux autres et réunissent au milieu de leurs branches tout ce qui se trouve sur leur passage. Cette masse ressemble à une île flottante dont les racines narguent les cieux, tandis que les branches humiliées fustigent les ondes dans leurs vains courroux. Lorsque ces masses s'approchent d'un vaisseau et rasent ses flancs avec rapidité, on dirait les fragments d'un monde en ruine. En avançant néanmoins, nos regards furent charmés, malgré la saison avancée, par les brillantes nuances de la végétation méridionale. Les rivages étaient toujours plats, mais de nombreuses habitations de planteurs, qui ne sont quelquefois que de simples maisons de campagne, souvent accompagnées par le champ de canne à sucre et les huttes des nègres, varient la scène. Sur aucun point, on ne trouve ce que les peintres appellent un second plan. Pendant l'espace de 120 milles, depuis Balise jusqu'à la Nouvelle-Orléans, et 100 autres milles au-dessus de la ville, le rivage est défendu des invasions de la rivière par un chemin élevé, appelé levé, sans le secours duquel les habitations disparaîtraient promptement, la rivière étant évidemment plus haute que ne le serait le rivage sans ce travail. Lorsque nous arrivâmes, des pluies constantes donnaient à cet accident du terrain une apparence plus frappante, et prêtait aussi à une scène toute naturelle l'aspect le plus contre-nature qu'il soit possible d'imaginer. On voyait non seulement que la main de l'homme avait passé par là, mais aussi que les plus puissants ouvrages de la nature doivent se soumettre à ses lois. Cela rappelait littéralement cette expression de Swift « La nature doit céder la place à l'art ». Cependant, le fleuve est si puissant et si indocile que je ne pus m'empêcher de penser qu'il ressaisirait un jour ses droits. S'il en était ainsi, on pourrait dire adieu à la Nouvelle-Orléans. Il est facile d'imaginer qu'un pareil paysage manque totalement de beauté, mais la forme et la nuance des arbres, des plantes si nouvelles pour nous, et la privation où nous étions depuis si longtemps de tous les objets et de tous les sons qui viennent de la terre, contribuaient à nous faire paraître magnifique ce sol marécageux. Nous étions cependant impatients de toucher aussi bien que de voir la terre. Mais la navigation depuis Balise jusqu'à la Nouvelle-Orléans est difficile et fatigante, et les deux journées que nous y employâmes nous parurent plus longues qu'aucune de celles que nous avions passées à bord. Pour ceux qui aiment à contempler les phénomènes de la nature, un voyage sur mer peut durer bien des semaines sans paraître ennuyeux. Peut-être quelques personnes penseront que le premier regard jeté sur l'océan et les nuages dévoile toutes les beautés qu'il possède. D'autres pensent que ce premier regard peut inspirer plus de tristesse que d'enthousiasme, mais à mes yeux, leur variété est sans limite et leur beauté incomparable. Tenter de décrire un point de vue dont les objets sont proéminents et palpables est une entreprise qui réussit rarement. Mais lorsque l'effet en est aussi subtil que varié, elle doit être vaine. Néanmoins, l'impression qu'il laisse est peut-être plus profonde qu'aucune autre. Je crois qu'il me serait possible d'oublier les sensations que j'ai éprouvées en naviguant sur le gigantesque Mississippi. L'Ohio et le Potomac peuvent se confondre dans ma pensée avec d'autres fleuves. Je me rappellerai même peut-être un jour avec difficulté les bleus contours des monts Allegheny. Mais jamais, tant que je me souviendrai de quelque chose, je n'oublierai la première et la dernière heure du jour sur l'Atlantique. L'océan et ses charmes indescriptibles ne nous entouraient donc plus. Nous commencions à nous apercevoir que notre promenade sur les gaillards d'arrière ressemblait un peu à l'exercice de l'âne dans le moulin, que nos livres avaient perdu la moitié de leurs pages et que celles qui restaient étaient sues par cœur, que notre bœuf était très salé et nos biscuits bien durs. Et enfin, qu'après avoir étudié le bon vaisseau l'Édouard depuis la proue jusqu'à la poupe, au point de connaître le nom de toutes les voiles et l'usage de chaque poulie, notre instruction était assez complète, et lorsque nous nous reposâmes pour la dernière fois dans nos petits lits, je m'écris avec une joie qui ne manquait pas de vivacité. « À demain, d'autres champs et de nouveaux pâturages !»